Bonjour. Vous voyez là, le dernier enregistrement que j'ai fait. Bon, j'ai pas mal de commentaires. Puis, j'ai manqué de temps là, pour répondre à tout. Mais il y a un monsieur qui avait écrit un commentaire qui disait arrêtez de vous faire la guerre. Moi, je fais pas la guerre à personne, là. Puis, je me disais, bon, ben plus tard, quand j'aurai le temps, j'irai lui répondre. Je lirai le commentaire, puis je répondrai. Mais là, le commentaire a disparu. Donc, bon, je réponds comment? Je me souviens pas là, de tout. Mais l'affaire, c'est que le pire, c'est que pour répondre, je me suis forcé à aller écouter au complet quelque chose dont je n'avais écouté que 15 minutes. Donc, je me suis dit, bon, ben, il faut être objectif, je vais l'écouter au complet, puis je l'ai écouté au complet. Puis, bon. Moi, à mes yeux, ça commence à être grave. Ce qui est arrivé, entre autres, c'est que, bon, il y a de plus en plus d'échos au niveau là, de gens qui auraient vécu des enlèvements par des extraterrestres. Une fois que, bon, on commence à faire une certaine thérapie régressive au niveau de l'hypnose, puis qu'on vérifie des faits, puis finalement, il y a certains des cas. Que ce qui ressort, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'enlèvement par des extraterrestres, mais il y a clairement du contrôle mental là-dedans, des abus rituels, puis des choses comme ça. Puis, c'est des pistes de travail, des hypothèses de travail que ces gens-là dont je parlais ne veulent pas entendre parler. Ils veulent rien savoir. Puis, ça commence à être fatigant. Il y a aussi le fait, cette maudite attitude qu'on voit chez les ésotéristes, de rester vague, d'être dans l'assertion, puis de considérer qu'on ne peut pas tout dire au public. Hein? Aussi, cette maudite attitude qu'ils ont, que finalement, ils peuvent passer des heures sans rien dire, parce que c'est cette maudite habitude de passer par quatre chemins. Que moi, ça, là, je suis plus capable. Je suis plus capable. Dans le fond, on a affaire à une religion. Moi, ce que je considère une religion, on a affaire à des croyants. Parce que je réécoutais ça, puis, ah oui, hein, l'OVNI de la place Bonaventure, ça peut pas être une opération de guerre psychologique par des militaires. Ces gens-là sont dans l'assertion que c'est des explorateurs de l'espace qui ont fait une apparition. Et c'est là où moi je dis, wow, là. Un instant. Un instant. Parce que là, ça commence à être grave. Il y a tous les éléments de croyance, comme on le voit chez des êtres primitifs. Prenez les papous qui faisaient des avions en bois, qui essayaient de reproduire des avions en bois, de refaire des antennes en bois. Pour communiquer avec les dieux, parce que quand ils voyaient des avions, des antennes, ils pensaient que ça avait été donné aux blancs par des dieux. Puis ils essayaient de les reproduire en bois. Puis c'est ça, là, les maquettes d'OVNI, là. Ça revient à ça. C'est comme des papous fascinés par de la technologie qui pensent que ça vient des dieux, puis qu'ils la reproduisent. Tous les référents que j'ai entendus viennent entre autres de la fiction, des films. Des séries, toutes des affaires américaines tout le temps. Puis pourtant, on le sait que sous Reagan, il y avait un programme lié par rapport, bon, à mettre dans le public l'information par rapport aux ovnis. Puis qu'au fond, oui, c'est lié à plus tard, possiblement, essayer de regrouper les États-nations sous un seul gouvernement. C'est quand même curieux que tout ça arrive en même temps. Moi, c'est ça que je dis. Il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Puis là, ils sont là à dire que les synchronicités, ben, c'est les extraterrestres, ça, qui sont en communication avec eux autres, les synchronicités. Ils font même des demandes aux extraterrestres. Les extraterrestres sont venus remplacer la divine providence. C'est super, super polarisé, dans le sens qu'ils voient tout comme dans un damier. Il y a les extraterrestres gentils, puis il y a les pas gentils. les extraterrestres sont venus remplacer les anges et les démons, de la même façon qu'ils sont venus remplacer Dieu. Puis aussi, ils projettent cette polarité-là au niveau d'une altérité, comme quoi qu'il y a des gens qui sont gentils, puis il y a des gens qui sont pas gentils. Puis donc, les gens gentils, eux, ils collaborent avec les E.T. qui sont gentils, puis les gens qui sont pas gentils collaborent avec les E.T. qui sont pas gentils. Il y a là tous les éléments d'un culte, d'une liturgie, d'une religion, au fond, où les extraterrestres remplacent les forces spirituelles. Puis, c'est là où moi, je dis attention. Faire très attention. Puis là, on a affaire, entre autres, bon, des raéliens, puis toute la patente, là, des cultes soucoupistes extrêmement malsains qui aboutissent à des affaires de mœurs graves, comme l'autre, là, par quatre chemins, typique des ésotéristes, que par après, ben, on en apprend des belles. Puis c'est toujours comme ça. Il semblerait qu'il y ait un lien entre les gens fascinés par ces phénomènes-là, puis certaines flétrissures qu'on pourrait dire qui finissent par apparaître au niveau comportemental. On dit qu'il y a toujours aussi cette espèce de mentalité élitiste de « Ah, on ne peut pas tout dire, hein? » Puis le secret, puis le secret, puis... Non, être dans l'assertion que l'OVNI, ce qui veut dire quelque chose de non identifié au fond, au-dessus de la place Bonaventure, que ça... c'était des voyageurs de l'espace, puis qu'on peut pas remettre ça en question, qui se sont manifestés. Puis là, c'est rendu que la COP 15, ça serait une sommation des extraterrestres. Puis, dans le fond, on va se ramasser, ce que ça nous dit, si on va se ramasser avec un gouvernement mondial, puis une dictature planétaire, à cause de... parce que les nouveaux dieux, les E.T., l'ont décrété. Moi, ce que je dis... de tout ça, c'est qu'il y a clairement de la manipulation là-dedans, c'est évident. Puis, une des choses qui m'avait surpris dans le commentaire que cet homme-là m'avait fait, c'est qu'il me disait « à chacun son expérience ». Ben oui, mais en dehors de l'expérience particulière, il y a un seul réel. Soit ces affaires-là, c'est de la manipulation, soit ça ne l'est pas. Puis aussi, de présumer comme quoi que moi, en tant qu'individu, j'aurais pas eu affaire à ces phénomènes-là, puis que j'aurais pas eu un vécu par rapport à des phénomènes ufologiques, ça c'est de la présomption, c'est présomptueux. Hein? Vous le savez pas, dans le fond, mon vécu. Puis pourquoi ça me met tellement en colère, toutes ces niaiseries-là? Puis oui, je suis prêt à décréter que c'est des niaiseries. Après tout, ces gens-là sont dans l'assertion. C'est rendu que l'OVNI de la place Bonaventure, c'est presque à la veille d'être officiellement des extraterrestres. Alors que moi, je pense que c'est possiblement des programmes militaires, que c'est lié à de la manipulation de masse, que ça nous vient, ça passe par le NORAD, mais ça nous vient des Américains. C'est les Américains qui font ça. Après, comme ultime référent, pour venir parler de tout ça, toutes des films américains, toutes des séries américaines. Puis comme des papous qui reproduisaient, ils essayaient de reproduire des avions pour communiquer avec les dieux, ils sont là avec des maquettes d'OVNI. Ou comme d'autres cultures, des primitifs au fond, qui façonnaient des petites figurines d'argile, ben sauf qu'eux autres, ils jouent avec des petites figurines d'argile du capitaine Kirk. Des maudites niaiseries de Star Trek puis de Star Wars, des affaires de geeks dans le fond du monde, ouais. Dans le sens que, bon, je peux comprendre qu'à un moment donné, du monde est un petit peu isolé socialement à cause de leurs idées, un petit peu vu comme des hurluberlus, vont se renfermer sur eux-mêmes, un peu comme des geeks dans une polyvalente. Puis oui, on peut voir des choses curieuses, comme par exemple des jeunes de 15-16 ans qui collectionnent des figurines. Mais là, rendu à passer 60 ans, tant qu'à moi, il y a un problème. Puis, c'est pas sérieux. Moi, je peux pas prendre ça au sérieux des affaires de même. Puis même, jusqu'à un certain point, j'irais jusqu'à dire que je trouve ça ridicule. Puis aussi, j'en ai plein le cul par rapport aux ufologues au Québec. Dès qu'on gratte un petit peu, paf, des affaires de mœurs. Paf, on se rend compte que ça a été tout initié dans la franc-maçonnerie. En tout cas, certains des plus connus. Donc, à un moment donné, là, Les fameux initiés de la connaissance, ah oui, ils bloquent l'information, ils bloquent certaines choses pour pas, ah, le grand public n'est pas assez mature pour comprendre. Mais d'un autre côté, ils garrochent dans le public des affaires naïves et fascinantes. Puis c'est fait pour fasciner les gens. Puis là, finalement, il y a une espèce d'esprit religieux qui se met là-dedans. Parce que jusqu'à un certain point, à un moment donné, c'est de la fascination, puis on la sent, l'espèce d'ambiance de fascination, d'ambiance fascinante. C'est de la mise en condition à un moment donné. Je dis pas qu'ils sont malhonnêtes. Ils ont l'air d'y croire à leur patente. Mais moi, j'y crois pas. Puis n'importe qui est un petit peu, qui gratte un petit peu, il va finir par se rendre compte qu'il y a de la manipulation là-dedans. On n'est pas pour se mettre à genoux devant n'importe quoi. Parce que certains ont décrété que ces êtres-là étaient de bonne foi, puis blablabla. Moi, je suis même pas certain que c'est réellement on a affaire à ça, là. C'est possiblement autre chose. Possiblement autre chose. Puis, je considère que on n'a pas le droit de rejeter toutes les hypothèses de travail possibles ou de spéculation possible, tout simplement parce que ça fait pas notre affaire ou parce que ça fait notre affaire. À un moment donné, là. Je veux dire, là, on est dans le temps de Noël, là. On est dans le temps de Noël, puis on voit des conneries à la télévision, du genre, est-ce que la mère Noël devrait prendre plus d'importance que le Père Noël? Des choses que, comme si Noël, là, ça, c'est la fête du Père Noël. Voyons, c'est la même chose pour vos maudits extraterrestres. C'est la même affaire. Oui, il va possiblement avoir quelque chose qui va arriver en janvier 2023. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Puis là, venir là, présumer que moi, c'est parce que tout simplement, j'aime pas l'ufologie, puis que je suis contre les gens qui s'intéressent aux extraterrestres. Mais au fond, là, vous trouvez pas que je suis moi-même une anomalie? Vous pensez pas que je me suis pas posé des petites questions? À savoir, peut-être que au niveau génétique, j'avais peut-être une origine différente. Puis au fond, par rapport au vécu, les phénomènes ufologiques, vous le savez pas. Vous le savez pas. Si j'ai pas un vécu en la matière, hein? Tout simplement, peut-être que je suis un petit peu moins impressionnable. Hein? À un moment donné, on n'est pas pour partir en peur dans n'importe quoi, parce que là, ça va finir par faire des nouvelles sectes soucoupistes. Puis c'est dans les plus ridicules, puis les pires. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Bonne journée.